Il est temps de commencer. Gaétan? Gaétan? On était en... J'ai... OK. On débrouille, OK? On débrouille. Bonsoir. Avril. Victoria. Exactement. Baisse le... Monte la... Bon. Bonsoir, bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre court-circuiteur de réalisme rénal de Le Néant Gagné. T'as bien l'air étrange. Je suis venu d'ailleurs. Ah, oh, on le sait. Tout le monde le sait. Ah! Il y avait Vermaine hier qui m'a dit sournoisement, tu n'as plus l'air de ce que tu étais. Ah! Et puis... Mais là, je me suis orienté vers le miroir, mais pas le miroir négatif, le miroir positif, celui qui donne les belles choses de ma personne, les belles choses. Et puis, il n'y avait rien à dire. Il était cassé. Ah, mais en fait, c'est ma charmante épouse qui a mis un well devant. Un well. Un gros well noir. Un well noir. Ah, on aime ça, les wells. Ah ouais, parce qu'on ne se voit pas dans le miroir. Il y a un well. Un well. Qu'est-ce que tu veux dire par un well? Un voile. Oh, mon Dieu. Ouais, mais un voile, c'est pas fin, ça. Ah non, c'est pas gentil. Non, mais pas... C'est opaque. Ouais, c'est très opaque de door. Opaque de... Non, opaque de miroir. Oh. Non, ça pourrait être un gospel, hein? Et puis, ben c'est ça, j'ai voulu lui faire parler, de dire, et puis, comment me trouves-tu, hein, toi, derrière le wall? Mais il voulait pas répondre. C'est un miroir disgracieux, parce qu'il me disait, je veux pas de wear. Oui, mais t'es un miroir. Oui, mais je veux pas de wear. T'es un miroir qui veut pas me voir. Effectivement. Même toi, tu veux pas me voir? Non. C'est moi qui t'ai acheté avec mon argent. Ton argent, c'est celle de ton épouse. Mais mon épouse, c'est ma femme, oui. Ma femme, c'est à moi. Oh, possession! Possession, on a signé, on s'est mariés, hein, moi puis elle. C'est elle qui... Moi, je voulais pas. Je voulais pas. J'ai dit, on vit 22 ans de bonheur, mon petit tas. 22 heures de bonheur. 22 heures. Ça me paraît comme 22 heures, 22 ans avec toi, mon petit tas. Pourquoi se marier? Ah, oh, mais je me sens illégal. Comment ça, tu te sens illégal? Ma tourterelle, mon piment fort, ma caniche. Ça, c'est à la fin. Quand on va signer le... mon pigeon, ma tourterelle, mon vampire, mon... Hein? On se marie, on faut pas comme la majorité. Qu'est-ce qu'il faut à la majorité? Ils s'aiment puis ils se marient, ça se dit pas. On se marie ou on se marie pas. Ça me tente pas. Ben, ça va te tenter. Ben... Ma princesse. Ah, mon Dieu, dis pas ça. Ça me vient chercher des cordes sensibles. Oh, ma guitare mal accordée. Oh, oh, hey, c'est gentil, ça. Non, mais ben, mal accordée. À la résonance de la guerre. Tu n'es qu'amour. Oh, tu n'es que volupté. Oh, tu n'es que grâce, ou quoi que de la grâce. Non, c'est pas de la graisse. Non, mais là, un peu. Là. Mais c'est au niveau du fessier. Mais j'aime ça, des petites fesses. Mais ben, hein, avec un redondant. Redondant, rime, redondant, rime, malo. T'aimes ça, toi aussi, hein? Ouais, je sais que ça fait des gerçus. Ça va faire de la calotte de. Bon, mais. We'll be right back. Bon, on se marie. 22, 22, c'est beau, 22. Ouais, mais 22 ans sans se marier, bon. C'est pour le meilleur et pour le fisc. Pour le fisc. Ah, mon dos. Ah, ben là, moi, j'ai pas une scène, hein. Ben, c'est ça. Tu diviseras avec moi. Ah. Toi, t'en as plus que moi. Si j'en ai plus, j'en ai davantage. Hein? Davantage, est-ce que ça veut dire plus? Ça veut dire beaucoup plus que toi. Hein? Ah, oh, mais on pourrait se marier, m'envisager ça. Là, on va vérifier nos comptes de banque. C'est juste ça pour toi, l'amour, l'argent. Ben, comme le trois quarts de la population, quoi, qu'il n'y ait pas d'amour, pas d'argent, puis pas d'argent, pas de bonheur, pas de bonheur, de la tristesse, un peu d'argent, puis du bonheur encore. C'est ça, les vies. C'est de l'argent, la nouvelle religion, hein, je le dis souvent, là. Moi, c'est plus une croix que j'ai placée devant ma porte d'entrée, c'est un 100$ épinglé. Oh, ça me crie du bonheur, voilà, là, je regarde ça, je me dis, hey, on est peut-être ignorant, on est peut-être des sans-dessins, on est peut-être on a peut-être un manque de culture, mais au moins, on a un 100$ qui est au-dessus de nous. Oh, avec l'argent, moi, je t'aime, mon 100$, on dit que c'est contaminé de l'argent, mais c'est pas le mien, non. Mon 100$, je t'aime, hein? Ouais, c'est pas grave. Si je travaille comme un cinglé et j'ai une crise cardiaque, c'est pas important, m'avoir eu de l'argent. Mon oreiller, là, hein, dans ma tombe, ça va être bourré avec des 100$, de la belle argent. Jacques Brel qui disait l'argent n'a pas d'odeur, mais moi j'en sens des petits bidous, des petits bidous. Et on m'a dit c'est 25$ pour être membre à CKRL. 25$, pas assez cher. On dirait que je me fais avoir avec ça. Je donne 150$ quand je suis membre. Puis là, on me demande, voulez-vous la miner? Voulez-vous la miner? Non, je ne suis pas miné. Je la veux heureux et cartonné. Oui, mais là, vous l'achetez beaucoup trop cher. Il n'y a rien de trop cher pour la qualité de CKRL. Sauf l'émission du vendredi à cette heure-là. Là. Ah, il y a un cinglé qui fait... Ah, c'est qui ça? Ah, parlez-nous-en pas, on veut l'enlever. Ah, ben c'est une maudite bonne idée. Je vais vous donner 250$ de plus si vous nous le retirez des ondes. Oui, mais c'est parce que... On a des lettres de son psychologue. Oh, c'est un malade! C'est un cinglé. Puis s'il arrête son émission, il risque de passer à l'acte. C'est-à-dire d'emmerder tout le monde, de frapper au pod. C'est moi, René Gagné, moi, tu vois. Je vais faire commencer à raconter sa vie aux pauvres monde qui ne veulent rien savoir et qui ne sont même pas membres. Monsieur le Président, messieurs, mais pas trop catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers citoyens, et résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. J'aime ça mettre l'écho, on dirait que ça fait ambiance et surtout ambiphonique, Surround Digital Dolby. Oh, là, c'est tombé dans la 350 à bro. Non, pas brôle. C'est 300. Ah, allô, ça va bien. À quoi bon? À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas politique? Ridicule, simplement inspiré. Justement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Je suis certain que vous ne pouvez même plus entendre ce genre de réverbération. C'est pour ça que j'arrêterai sur cet élan. Et là... On dépose pas son fessier là-dessus. On continue en disant que c'est librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Aujourd'hui, le vendredi 6 avril, que j'aime ça le 6 avril. Oh, je me sens comme un poisson dans l'eau. Avril poisson, 1er avril, premier poisson. Il y en a-tu des gros poissons? Eh, moi, j'en ai coincé un. Oh, je raconte pas. Oh, je raconte pas mes histoires intimes. Là, là. Okay. Alors, aujourd'hui, le vendredi, excusez-moi, j'étais en pamoison. Puis là, quand on fait ça, de la pamoison, il faut faire ça égal partout parce que quand ça pousse, il faut que ça s'élève au même moment dans une symphonie de tirade. Et j'allais dire, entre guillemets, parce que c'est un mot que je vais inventer, de pousser. Madame Tremblay, poussez! Ah non, poussez-vous de là. Laissez son, c'est ça. S'il vous plaît. Merci. Pour apporter. apportez-la. Apportez-la. Civière, hôpital, ambulance. Madame, on va l'appeler là, l'ambulance. La madame l'ambulance. Bon, et mon dos, on vous dérange, madame l'ambulance? Vous étiez sur une urgence? Avez-vous eu le temps de vous essuyer? Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Quand on appelle quelqu'un, hein, un taxi, et que le préposé au téléphone, là, tu laisses sonner 5-6 coups, 7 coups, 8 coups, là, tu dis, voyons. Hey, on est mercredi. Il est minuit. Il n'y a pas autant de monde que ça qui appelle pour avoir un taxi. Là, tu dis, la personne doit être au cabinet d'aisance. Et se dire, il va s'arrêter de sonner, il va se raccrocher, il va raccrocher, j'espère. Puis là, tu laisses sonner. Là, tu attends qu'après 20 coups. Là, tu vois, tu entends qu'il prend l'acoustique, tu raccroches. Tu rappelles une autre compagnie. Oh. Est-ce qu'ils peuvent te suivre? Là? Ils ont ton numéro de téléphone? Comment t'appelles ça? Ils ont un suivi, là? Sonore, pas sonore, mais un afficheur. Hey, la face du gars s'affiche, le visage. Non, c'est lui. Puis là, ils envoient des torpilles chez vous pour t'éliminer. Là. C'est comme ça que ça se passe dans le milieu du taxi. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Puis là, il y en a un qui dit « Ah, mais ça, mais il y a Bref, cessons l'introduction et entrez dans le monde. Et pour, j'allais dire dans ça, c'est l'autre numéro, madame, l'oncle Buck, là, c'est pas là, là, c'est, recalmez-vous, s'il vous plaît. Prenez la petite pilule verte, là, puis calmez-vous. Faites zen. Écoutez Linda Lemay, là. non, écoutez pas, Linda. Non, faut pas se suicider. C'est pas le... Non, non, c'est le tata. Oui, on veut pas. On vous aime. Restez des nôtres. Restez là, restez là. Réveillez-vous. Captez-nous. Couchez-vous. Habillez-vous. Réveillez-vous. OK. Bon, pas le... Non, pas le... Je sais, c'est le mois d'avril. Le mai, c'est pas le temps. C'est jamais le temps. On part avril, juin. Il n'y a pas de le mai. Ça n'existe plus. Le mois de le mai, on l'a enlevé. Sinon, elle n'arrête pas avec sa guitare. Ah, mon... Ça fait penser à un certain chanteur que je ne peux pas nommer ici, là, qui s'appelle Guy. Son prénom, c'est Guy. Puis ses amis l'invitent à des repas, puis il place toujours sa guitare dans sa voiture. Puis là, après, hein, une bonne bouteille de rouge, il dit « Ah, je vais aller chercher ma guitare! » Oh non, il va chanter. « Qu'on est bien dans les bars, les uns de deux sexes opposés, qu'on est bien dans les bras. » We'll be right back. Gaétan, il y a eu un chaos. Ben oui, mais c'est l'émission du chaos, Eras Redal. T'as-tu senti? Non. T'as pas rien ressenti? Ben, je ne crois pas. Au niveau auditif, ah oui, la chanson, ça a bougé, il y a eu des sons étranges. Je me sentais comme diaboliquement interpellé par Lucie. Non, c'est faire, laisse faire. Lucie, laisse faire. On veut pas nous faire entrer en communication avec toi. Non, laisse faire. Ah, là, il est malade, pas de droit. Pas ce soir. Laisse faire, Lucie. OK, on laisse, c'est une blague, là. Lucie, laisse faire. Oui, oh, mon, arrête, crie pas, fais de dos. Fais des gros de dos. Commence pas à. Non, c'est pas. C'est, non, s'il vous plaît. Ça va bien. On continue. OK, c'est très bon. On vous trouve. C'est la meilleure émission en ville. Oui, bien, en ville. En ville audio, descends vers nous, rentre en communication, nous voudrions avoir votre génie pour pouvoir lancer ça à notre public. Lance pas ça! Je sais pas ce que les gens peuvent... ils vont se plaindre. Oh, vous croyez? Je crois infiniment qu'ils ont le droit d'avoir de la qualité. Mais c'est de la qualité, ça? La belle musique, il y avait Iggy Pop, oui. Il y a un son haute fidélité. Ouais, mais il est plus fidèle que toi, hein? Là, tu dis ça devant 250 millions de personnes. 200, non, 18 milliards. Non, c'est pas ça. Ça a été recensé, Rance Renadine, écouté à 1600 milliards. Monsieur, c'est un délire. 1600 milliards de personnes qui nous écoutent pas. Ah! On les remercie infiniment. Continuez à pas nous écouter. Tu sais, ça veut dire que... comment t'as compté ça? Écoutez, j'ai commencé... Écoutez bien. J'ai commencé par le 1, le 2, le 3, le 4, ensuite le 5. Ouais, mais là, je me suis rendu comme ça à 6 milliards. Hein, moi, c'est très long. Hein, c'est une file à la queue bleue. Parce que tellement, quand tu sers trop fort, là, ça devient bleu. À la queue bleu. Ouvrons-lui un petit coin de queue. Une petite queue, rien. Trois fois rien. Un et demi. Même pas. Un demi centimètre. Un millilitre. Deux gouttes. Une larme. Une poussière d'âge. Y'a bossé. Top. OK. Hop. Là, qu'est-ce que tu faisais là? Je faisais une communication avec nos amis d'en bas. Nos amis d'en bas, les intras. Non, les Chinois. Ils sont en bas, les Chinois. C'est pour ça que je veux pas danser. Il y a des rythmes fous, hein? C'est j'adore dans les saisons. Mais je veux pas chanter ça. Ça, je me mets à danser. Puis là, je me dis, les Chinois vont m'entendre. Là. Puis là, ils vont se plaindre, ils vont cogner. Con. Hé, hey, toi, là, arrête de danser. Con. Non, ils diront pas ça comme ça. Ils vont dire, hey, sting, ting, ting, ting, ting, ting. Ah, ça, c'est fâché, un Chinois qui dit ça, là. Puis là, le monsieur qui loge en bas vient te voir, là, monte en haut, passe par le noyau, puis il veut te casser la... Ah, bah, avec la baguette. Des coups de karaté. Moi, là, je suis ceinture fléchée. Moi, je suis carnaval, mort de grand carnaval. Fléché. J'ai le grand sourire du bonhomme. Il a l'air d'un imbécile. Les gens aiment ça. T'as un sourire d'imbécile. T'as l'air content, toi. T'es heureux. Ah oui, t'es heureux. 365 jours de l'année, je suis heureux. Je ris, je souris. Ah, c'est heureux. La vie est belle. Ah, je suis heureux. Comme un petit oiseau dans un arbre. Et là, j'attends que vous passiez. J'envoie la grenade. Là, ici, oui, je le fais avec plaisir. Là, je vais... Et ben, hein? C'est le grand plaisir. C'est de me libérer sur votre tête. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Si les gens ont trouvé que j'ai parlé trop vite, trop rapidement, sans aucune intonation, regardez la boîte de votre radio. Tout est sous-titré, souligné, en gras, caractère double ligne. Et puis, sinon, ben, prenez la ligne, puis tirez-la à l'eau et pondrez-la bientôt. Tirez-lui plus fort, il pondra de l'or. Et je demanderais, s'il vous plaît, mettez plus devant du vent. Le vent, on veut du vent. Derrière du vent, s'il vous plaît. Pas devant le... non. Et ça se mêle, hein? Quand c'est rendu le vendredi, on ne sait plus est-ce que c'est devant ou le derrière, on rentre par où, hein? L'intercommunication, là. Là, c'est une blague. On va la lire, oui, on y va. Fâchez-vous pas, vous, là. Vous n'êtes pas belle quand vous fâchez. Vous n'êtes pas belle quand vous souriez non plus. Vous n'êtes pas belle tout court, là. Vous êtes vraiment pas. Mais vous êtes un intérieur super spacieux, chauffé, éclairé. Ah! On bouge un peu les meubles, là, puis c'est un sourire éternel. Éternel. Comme la vie éternelle. Il n'y en a pas de vie éternelle. Ça existe. Ça, c'est pour vous faire, oui, endurer ce qui se passe ici. Parce que si vous imaginez qu'il y a autre chose, là. Quand vous allez au théâtre, madame. Excusez-moi, là. On va revenir, là. On repasse après, là. Quand vous allez au théâtre, madame. Vous êtes assise? Première loge, deuxième doigt. Bon, deuxième doigt. Vous êtes assis sur le deuxième doigt. Bon, vous avez le droit d'être sur le deuxième doigt. Moi, bon. Chacun ses... hein? Les doigts, ça ne se discute pas. Les droits non plus. Alors, non, et le spectacle commence et ça se termine, le rideau tombe. Tombe, sens figuré, pas sens propre, parce que s'il tombe, là, c'est le chaos, là, c'est l'anarchie, c'est le plaisant. Là, c'est ce que j'aime au théâtre, l'imprévu, c'est de l'art vivant. Là, la comédienne, ah! Puis là, le poteau, pow! Sur le coup de la comédienne, oh, là, tu penses que c'est arrangé, t'applaudis à saigne, là, les ambulanciers viennent, hey, on dirait que c'est de la réalité, ben c'est la réalité, elle est en train de mourir. Là. Oh, c'est merveilleux. Hein? C'est pas ça. Ouais. Non, mais je voulais juste parler du rideau qui tombe, là. La fin de la vie, rideau qui tombe. Les gens s'imaginent qu'après ça, oui, ben voilà. Mais c'est pas ça. Après la pièce de théâtre, qu'est-ce qui se passe après la pièce? On s'en va au restaurant, oui. On va prendre un petit verre. Oui, oui. Non, c'est pas. Oui, c'est merveilleux, ça, là. On veut pas savoir votre vie privée, là. Mais à la fin de la pièce de théâtre, il n'y a plus rien. Le rideau tombe. C'est le noir. Comme ça, la vie. Le rideau tombe. C'est noir. Terminé. Plus rien. C'est ça. Merci. Bye. À la prochaine. Hey! C'est étrange. On dit les vraies affaires ici. Là, la phrase de M. Bukowski, ça nous tente. On veut pas aller plus loin, quoi que t'as la gueule. Oui, je sais. Excuse-moi. On habitait juste en face du parc. Ça me plaît de lire ça, parce que je vais vous raconter une anecdote savoureuse. Ah! Quand tu savoures, tu jouis. Oui. Merci, madame. Vous êtes bien gentille de dire quand je savoure, je jouis. C'est un peu vrai. Un peu vrai. Mais vous savez que je suis bègue à l'origine. J'étais petit, là, quand je suis né. On ne pouvait même pas me faire pleurer. On devait me dire, là, il faut que tu fasses... Bon, je ne savais pas, moi, je bégayais. On pensait que j'étais chinois. Et bonjour les Chinois, je vous adore. Vous faites mon meilleur mets, mon mets préféré, le pâté chinois. Ah, oui, c'est beaucoup de maïs, là. Là, je vais arrêter parce que je crois qu'il maïs. Bon, OK, mais tranquillement, j'ai appris des mots, des phrases rudimentaires, là. Bon, comme on peut apprendre lorsqu'on a 20 ans. Et, 26, 27 ans, toi, t'as dit « Maman, moi, c'est 37. » Ah, oh, j'étais très, très précoce, moi. Moi, j'ai marché à 43. Ah, oh, hey, j'ai vomi à 75. Ah, oh, je vais maigriner à 250. Ah, oh. Au four, s'il vous plaît, avec des petites saucisses, des oignons. reviens-moi. Joue dans ma chose, hein, tu reviendras. Oui, oh, oui, oui, moi, c'est une vie de temperament, s'il vous plaît. Mais, donc, il y a une phrase là-dedans là, que je suis incapable de dire, c'est Park. Mais là, je vous le dis. Vous savez, puis là, il dit, comment ça, tu le dis, puis tu es capable de le dire, Park? Ben oui. Mais dans la phrase, là, je bloque. Quand j'étais plus jeune, enfant, je mangeais des hamburgers, mais sans ketchup, parce que j'étais incapable de dire un hamburger au ketchup. Le mot ketchup bloquait. Et là, c'est cette phrase-là de Bukowski. On habitait juste en face du parc. Là, je vous le dis, je suis capable de... Hein, c'est intellect... Hein? Freud? Vous avez, j'ai raison? Totalement crétin! On a un Freud allemand, oui. C'est bien. Alors, on habitait juste en face du parc. Là, je suis capable de le dire parce que je vous l'ai dévoilé au grand jour. Non, mais c'est pas le jour, c'est la nuit. Oh. Alors, je voulais relater en grande nuit. Comment on peut dire ça? On le dit pas, puis on passe notre tour. Bon, c'est ça. Je passe toujours mon tour.